de baguette. Mais la Guadeloupéenne, c'est un petit filet, c'est un petit popotoré. Il y a mes bien habillé, tête là toujours bien marrée. Quand ces belles garçons là, c'est ça qui est mérite. Fait des tisiers doux, ils cachent pas. Toujours bien marré, quand ces belles garçons-là.